Maintenant sur votre radio, c'est ça. Nous avons le plaisir de recevoir ce mardi 8 mars Karine Pavisa, adjointe à la jeunesse et au sport. Jade, Charlène, Loman, Johan, Erwan, Matteo parmi les 13 élus du nouveau conseil municipal enfant de Généthon créé le 26 novembre 2010. Nous allons donc présenter aux fidèles auditeurs de Stepline Radio ce conseil municipal enfant qui est animé par Fabrice, animateur au foyer des jeunes de Généthon et des élus municipaux adultes. Madame Pavisa, pouvez-vous nous expliquer quelle est l'interaction qu'il y a entre le conseil municipal enfant et le conseil municipal adulte ? Eh bien, c'est très simple. Les enfants vont travailler sur des projets qui leur tiennent à cœur. Nous allons les aider à monter ces projets-là. Nous les proposerons au conseil municipal adulte qui validera quelques projets et nous pourrons à ce moment-là mettre un budget pour faire... Leur souhait. Donc, pouvez-vous expliquer quelles sont les commissions mises en place, Johan ? Bah, y a trois commissions. La commission progrès, sécurité sans danger et loisirs et détente. Donc, concernant la commission progrès, Erwan ? Dans la commission progrès, il y a la mise en place d'un parcours forme, installer des parkings à vélo, faire mettre des fleurs au rond-point nord et l'église, faire mettre des poubelles supplémentaires dans le bourg, faire installer des trottoirs à chiens, rendre le rayonnage de la bibliothèque accessible à tous. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette commission ? Je voulais améliorer la commune. Concernant la commission sécurité sans danger, donc Mathéo ? Nous voulons installer des feux clignotants pour piétons, installer des parkings à vélo, pistes cyclables, mettre des ralentisseurs, panneaux de prévention devant les écoles. Et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette commission ? C'est pour éviter qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des morts. Donc, concernant la commission loisirs et détente, Charlène et Jade. Le projet de construire un BMX et un VTT park. Proposer des animations spécifiques aux enfants de 10 à 13 ans. Et améliorer ou implanter une nouvelle piste de roller. Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette commission ? Pour avoir plus de jeux. Alors, quel projet ta commission va-t-elle mettre en place ? Un BMX. Mathéo, concernant donc la sécurité sans danger, donc qu'est-ce que va mettre en place ta commission ? Les ralentisseurs. Et pour finir, Arwan, concernant la commission progrès ? La mise en place d'un parcours forme. Et comment vois-tu ce projet ? Pour forme de à partir de 6 ans, 8 ans. 8 ans. Et concernant donc les ralentisseurs, comment vois-tu ce projet ? Les ralentisseurs. C'est pour aller à l'école, pour éviter les accidents, pour éviter aussi qu'il y a trop de gens qui roulent vite, pour ralentir. Et Charlène et Jade, comment voyez-vous ce projet de BMX ? Un loisir pour tout le monde. Un loisir tout pour tout le monde. Et c'est très bien. Je tiens à remercier Karine Pavisa qui, je vous le rappelle, est adjointe jeunesse et sport et les jeunes de ce CME d'avoir participé à leur deuxième interview sur... une radio, Stepline Radio, votre web radio du sud de Nantes. Cette émission sera multidiffusée aux alentours de 7h, 9h, midi, 14h, 18h et 19h et sera prochainement disponible en podcast sur le site de la radio sur www.stepline.com. Bien entendu, nous les retrouverons dans quelques temps pour faire un état d'avancement sur leurs travaux. Maintenant sur votre radio. Maintenant sur votre radio. Maintenant sur votre radio. Maintenant sur votre radio. C'est ça. Plus de son, plus de musique, moins de blabla, moins de blabla, moins de blabla. Vous avez une question à poser à vos animateurs ? Vous voulez devenir animateur avec un projet d'émission ? Forum, discussion, chat ? Rien qu'une adresse, www.stefline.com.